le décor, on est des mecs vrais. Moi je raconte pas que je nique des corps, c'est ça le vrai rap. Vous comprenez pas bande de cons, avec un ceste pour ça, on les remballe en deux secondes. Vous me faites rire mais je rigole, un peu comme ces faux galériens. Oui je parle bien des chéris jeunes, mens pas, croyez pas qu'ils sont de la rue. Je répète le même mot mais c'est vrai, nos notes pour ils sont de la rue. À tous les frères, les amateurs de rappeurs, ceux à qui je dis j'ai fait un son et qui me répondra même le. Tu te vois dans nos cesses parce que ce qu'on rappe c'est du vécu. Tu nous écoutes, c'est pas comme eux, t'as pas besoin d'équiper de PQ. T'as compris mon dégoût, ces mecs ils dégomment notre image. Alors que je suis sûr j'en ai vu plus que. Malgré mon petit âge, Kaorami, souris, pétale, hérétique, Ercassador présent pour réveiller le rap. Si en Cassador. Tu veux du shit, je le ramène. Tu rap, je le ramène. Eh mec, tu veux du fric, on va ramer. C'est la chanson de la misère. D'origine oranée, toutes mes chances se resserrent. Ça se voit à mes cernes, à mes frères. La haine s'est mise à table, les invités se resserrent. On se met à jour dans nos têtes le soir. Y'a du seum dans les couplets, c'est comme ça que je le sors. Eh oui monsieur, on rappe pas pour les dames. On pourrait tout niquer en deux mesures et vous le mettre dans les dents. Y'a moyen de poser, je pose. Y'a moyen de doser, je dose. À vrai dire, même si j'ai pas le temps. On va virer les traîtres et les inconscients. Fais péter les rivets, ma retraite est impensable. Au passage, je pourrais te dire que ça sent la mort. Mais non, c'est pas ça, moi je fais la guerre, c'est pour la mort. À force de manger des bières normales, qu'on y ait des parpaings. Ouais, t'es malsain, notre travail se construit dans un décor malsain. Et lorsque les mots s'absentent, on répond par les coups. Chape mes cousses qui s'embrouillent pour de l'argent, un paquet de clopes. C'est pas très drôle, trop souvent on oublie que la vie est assez courte. Casse des bouches, si tu touches à mes proches, hip-hop de rue anonyme. Long du bis, votre rap français, depuis le début ça n'a pas changé. On fait par nos vies, sans panoplie sur fond sonore. Et dans la rue, on aime se rassembler. Il ne faut pas trembler, tes oreilles vont jouir comme une femme. Un spark d'olive et je pète avant ta santé. Baisse l'assemblée ainsi que monsieur Sarkozy. Je t'affronterai pourtant, ça rapporte moins qu'à 400G. Mais ce rap sans dette et trop souvent le mal domine. Les cœurs agonisent et dans le silence on te fait patienter. Il n'y a pas que sous un sale temps règle que l'état parle trop de fric. Un petit conseil l'ami, pierce pas trop mes rimes. Elles sont bouillantes comme une étudiante à la place qu'au Médis. J'ai mal au ventre d'entendre tous ces tas de camp. Pas de chance, j'ai jamais chaud au stade de France. Je m'appelle Kaou, je t'envoie des rimes de mes grosses lèvres. J'ai des évus, je t'invite à voir le décor. Antifacho mec, nous on tacle les bolos. Pas fan de Gerland et encore moins du staff vélo trop. Et plus fort que les majors, ce petit connard m'ignore. Je vais foudroyer la France comme la Pénique au stade des Nord. Malgré ça je baisse la prod comme une pute de Pékin. Les ignorants me disent démonter comme le mur de Berlin. Et nique la tendance, je suis pas le mouvement de ces pédards. Déjà Mino, je boycottais Goku, j'étais plus Vegeta. Frère de toute façon, je me rallie au son. Même si j'ai partie de la race la plus haïe au monde. Et les gars, moi j'ai rien d'un mec élégant. Rageux, je monte la garde et s'il faut j'enlève les gants. La belle fille ne m'a pas pris pour confident. Mais j'avance confiant au bord du gouffre en océan. J'ai essayé d'avoir un brin de compassion. Malheureusement peu patient et le rap comme passion. J'ai vacillé entre l'enfer et les égouts. Du coup les riches et leurs grands airs ne m'inspirent que du dégoût. Des coups, c'est le récit de gars sincères, de gars sensés, de gars soucieux qui ont la rage et qui s'en servent, qui s'en sortent comme ils peuvent. Livrer à nous-mêmes leur politique et leur conneries. Voir là où ça nous mène, j'énumère les problèmes de ce pays pertinemment. Ça rêve plus de GTI, mais de grosses berlines allemandes. Donc sachant que la bas du gain détruit les hommes, je remplis pas le porte-monnaie, merde, je fais saturer les ondes. Arrêtez de spéculer pour des histoires à deux balles. Tout ce que je veux, c'est du blé. Moi, je veux pas me prendre deux balles. Tu me demandes d'arrêter les stupes, tu me fais bien rigoler. Tu payes déjà mes heures sup, et après, on pourra déconner. De ce que je vais dire, j'en suis navré, mais je pourrais tous les culbuter. Mon nom tellement fait baver, je mériterais tous être brûlé. Mais as-tu sur le bitume, regard dirigé vers la lune. J'ai l'impression d'être une enclume, alors pour m'envoler, je m'enfume. Mais le mal perdure, putain poteau, si tu savais, c'est hyper dur d'avoir le cerveau tous les jours dans la brune et de prendre des prunes. Alors que tout ce qu'on veut, c'est une belle petite brune. Y'a des masses de thunes, mais tout ce qu'on a, c'est un bac pro vente de rue. Viens pas me vendre tes rimes, c'est pas en me clashant que tu vas t'embellir. Ta bouche, je vais la remplir.